C'était une émission très intéressante, nous dit Julien. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que nos invités l'étaient tout autant. Famille Zéro Déchet, The Guide, c'est chez Thierry Soucard. Merci beaucoup, Jérémy Pichon. Merci à vous. La prochaine et bon retour chez vous. Merci Fleur Berlingen. Donc, je rappelle, l'association Zero Waste. On met toutes les coordonnées sur nos réseaux sociaux. Et rendez-vous au festival. Et du 30 juin au 2 juillet. Voilà. Demain, on va parler de ces sales petits monstres qui rient, qui crient, qui kinent, qui ont faim, qui ont soif, qui ont fait pipi caca couche. Nos enfants que l'on attend avec impatience, que l'on chérit tant, mais dont on dit qui tue aussi le couple. Les bébés serial killers, c'est demain avec vous à 15h en direct sur RTL tout de suite. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h. C'est à vous, Marie Guerrier, pour les infos, Marie. Le projet d'accord trouvé la nuit dernière à la SNCF laissait penser qu'une sortie de conflit était possible. Mais finalement, la grève va continuer. Sudrail et Force ouvrière ont voté la poursuite du mouvement en Assemblée générale. En ce qui concerne la loi travail, la CGT ne veut rien lâcher. Le syndicat reprend à son compte la phrase du communiste Maurice Thorez, citée ce matin par François Hollande. Il faut savoir arrêter une grève. Eh bien, la CGT va jusqu'au bout de la citation. Contrairement au président, est précise quand on a obtenu satisfaction. Et ce n'est pas le cas, selon le syndicat, qui dénonce toujours la loi travail et qui dénonce la stratégie de radicalisation et de refus du dialogue du gouvernement et du patronat. La grève est reconduite jusqu'à vendredi à la raffinerie Total de Donges, en Loire-Atlantique. 15 départements sont en alerte orange à cause des orages qui vont se développer dans les heures qui viennent. Des orages qui s'annoncent particulièrement forts dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est et dans le nord de la Bourgogne. En Ile-de-France, pas de vigilance orange aux orages, mais pour autant, la préfecture de police met en garde parce que le niveau des cours d'eau n'est pas revenu à la normale et des cumuls de pluie importants au cours des averses d'orages qui s'annoncent pourraient encore provoquer des dégâts dans les zones déjà inondées. Même chose en Normandie, en aval de la Seine. Le fleuve est en décrue, mais compte tenu de la persistance de quelques débordements localisés et du risque de précipitations orageuses, le département de la Seine-Maritime reste en alerte. Le Premier ministre Manuel Valls vient d'annoncer une aide exceptionnelle pour les artisans et les commerçants touchés par les inondations. Il faut qu'ils se signalent auprès des chambres de commerce et d'artisanat de leur département d'ici à la fin de la semaine. Quant au fonds d'urgence mis en place pour les sinistrés sans ressources, le Premier ministre précise que l'aide devrait s'élever à 500 euros en moyenne par famille en fonction du nombre de personnes par foyer. 30 millions d'euros de crédit public ont été débloqués. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, met les Britanniques en garde. En cas de sortie de l'Union européenne, en cas de Brexit, les produits britanniques qui entreront dans l'Union seront taxés davantage. Le coût de droits de douane supplémentaires par an sera de plus de 7 milliards d'euros. Le référendum organisé au Royaume-Uni sur l'avenir du pays dans l'Union européenne aura lieu le 23 juin prochain. Les courses à Saint-Cloud, la suite avec vous Bernard Glass. Et avec d'abord un rappel de l'arrivée du Quintet, Marie, c'était la troisième épreuve, le numéro plus 964, le 9 était non partant, et la bonne combinaison, le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8. La cinquième, succès du 5 Erika, 15,70 et 4,40 devant le 4 chez Lasla de 2,50 et le 11 Effishop, 3,40, quatrième place pour le 10. Et puis la sixième course, c'était un pic 5 et c'est le 6 Barbara qui s'impose, 24 € et 7 € devant Lasla où c'est 3,50 et le 15 Aladoun 2,40, quatrième le 4 City Fair, cinquième place pour le 5 Liventa, 6 As 15, 4 et 5, la sixième, la septième où le 3 était non partant est en train de se disputer. Arrivé rapport dans un peu plus d'une heure. À tout à l'heure Bernard, il est 16h03, vous êtes sur RTL tout de suite, les grosses têtes et Laurent Ruquier. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Avec les téléphones et smartphones d'Oro, échangez vos photos, partagez vos photos ou trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Oro sur doro.fr. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour la deuxième fois aujourd'hui une nouvelle grosse tête qui passe souvent à la radio, mais pour une fois elle a décidé de s'y arrêter, Christophe Willem. Bonjour. Une grosse tête qui a enfin trouvé une autre grosse tête qui s'est chantée pour faire des duos, Ariel Dombal. Une grosse tête qui s'appelle aussi Christophe, qui chante moins bien mais qui ne manque pas d'air, Christophe de Chavannes. Bonjour. Une grosse tête qui a quitté le monde du disque parce qu'elle en avait marre des chanteurs et qui les retrouve ici, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui n'aime pas les chanteuses, qui n'aime pas les chanteurs, mais qui boit pour les oublier. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et enfin, enfin, une grosse tête dont le chat a plus de chances de se retrouver au Louvre qu'à la SPA, Philippe Gueluc. J'ai une première citation. Ah. Je sais que Christophe Willem attend ça avec impatience. Oui. Parce que hier, je suis pas sûr que vous ayez répondu à une question, hein, Christophe. C'est une attaque personnelle. Si, si, si. Quand vous lui avez demandé, vous êtes heureux d'être là, il a répondu oui. Oui. Bienvenue au club, Christophe. Et comment se fait-il que Christophe Willem arrive dans cette émission? Mais parce que je prends les meilleurs dans. Mais vous avez raison. Manquait de con. Je vais ramener une couche supplémentaire. Moi, je ne suis pas fan d'habitude, d'une manière générale, c'est pas ma nature. Or, ce garçon, pour moi, représente quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, ah oui. Mais vraiment. Mais vous voulez dire sexuellement? Vous voulez dire? J'ai dit vraiment. Bon, vous la posez votre question. Merci, Monsieur Perroni. Oui, oui, on va passer à une première citation. Monsieur Perroni aime bien les questions parce qu'il brille par les réponses. Mais c'est fou, c'est fou d'ailleurs. Ah, il faut dire. C'est... Ah, mais moi, il y a plein de gens qui m'en parlent excellent en disant, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce puits de culture? Ah, je pense que c'est un peu l'enfant que Jean Dutour a eu avec Florian Gazan. Ça fait envie, en tout cas. Tiens, j'ai vu que Florian Gazan écrivait dans Closer. Ah ben oui, bien sûr, oui. Ah, ouais. Non, parce qu'il a pris une photo de moi dans Closer où je me suis déguisé en fille pour faire la fête des mères à ma fille. J'ai vu ça. Comment, pourquoi vous avez fait ça? Parce que la fête des mères, ma fille toute seule, c'est pas cool. Vous pour vous travelotez pour la fête des mères. Bah, c'était drôle. Enfin, ma fille et moi avons bien rigolé en tout cas. Donc je me suis habillé. Quel âge elle a, la petite? Elle a 17 ans et demi. Et je me suis déguisé en meuf, mais vraiment, mais voilà, c'était grossier, avec une grosse paire de seins, du rouge à lèvres, une perruque blonde. Oh, et puis voilà, elle m'a dit, ah, bonne fête et tout. C'était pour que, voilà, c'était complice, c'était rigolo. Et alors, ils ont pris la photo pour dire que j'étais, je sais pas quoi, travesti en Victoria Sisfeld, ça, je trouvais que c'était dommage, quoi. Ça s'appelle virer sa cutie. Elle a raison. C'est un peu bizarre, quand même. Mais c'est pas bizarre, surtout c'est drôle. Surtout cette petite jupe que vous avez mis pour venir aujourd'hui, Christophe. Moi, pour la fête des pères, c'est je mignon, me déguise en couille. Tu trouves pas ça drôle? Si, c'est mignon. Et c'est chaque année, en plus. C'est mignon, sauf que moi, après, on m'envoie ta photo sur Twitter et on me dit que tu me ressembles, alors ça me oui, fait un peu chier. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est pas cool. Alors que c'était pas la fête des grands-mères. Alors, allons-y. Oh, non. Une question pour Jean-Paul Marie. Caroline pourrait être ma compagne. C'est pas vrai. Bah si. Pourquoi vous dites Caroline pourrait être ma compagne? Bah, parce si pas j'étais jeune et mince, quoi. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui l'empêche, ça, alors? Mais rien, la situation de la vie. Ah oui? Oui. Parce que là, comme vous non, grossissez... Non, moi, j'aime beaucoup Caroline. Comme vous grossissez un peu, feriez un joli couple. Ah oui. C'est moche. Vraiment une grosse crotte. Hein. Non, mais c'est Christophe, il a raison. Vous prenez de la, vous prenez de la, de l'ampleur. Ah, l'autre belge. Est-ce qu'on vous a parlé de ce site enbonpoint.com? Ne les écoute pas. Si tu prends de l'ampleur, tous ensemble, vive l'ampleur. Moi qui ai de l'admiration pour ce couillon. Eh ben oui, les gros m'aiment bien en général. Mais Christophe, est-ce que tu avais besoin de préciser que tu avais pris quelques kilos? On n'avait rien vu. Mais je l'ai dit off. On n'avait rien vu. Ben évidemment, regarde. Ben oui, je me suis mis en noir, bien sûr. Toi aussi, t'es en noir, la vieillasse. Il parle à Philippe Gueluc, pour ceux qui nous écoutent. La vieillasse, c'est un peuple que vous insultez, monsieur. Oui, ben à qui vous portez ombrage, monsieur? Tout à l'heure, quand on m'a dit qu'il y avait un chanteur qui serait dans l'émission et que je t'ai vu arriver, j'ai cru que c'était Carlos. Ah oui, c'est tellement drôle. Oh, ben, rigolez un peu, Laurent, c'est tellement marrant. On la démarre, cette question, la con. Oh, ta gueule, la grosse. Il est temps de passer donc à une première citation, disais-je, pour Jean-Paul Marie, qui habite Guilberville, dans la Manche, qui a dit « L'oiseau cru fait cui-cui, l'oiseau cuit ne le fait plus. » Raymond DeVos? Non. Mais ça aurait pu, bravo. C'est drôle. C'est drôle, hein? Oui, oui, oui. Ouais, c'est bien. Et ça serait pas Picabia. Ce n'est pas Picabia. Ça peut pas marcher tous les jours. Non, non, mais est-ce que mais c'est un dessinateur? Ce n'est pas, c'est quelqu'un qui a dessiné aussi, je crois, effectivement. Dessiné aussi ou dessiné surtout? va dire, il était surtout, enfin, dessiné peintre, voilà aussi. Ah. Picasso. Picasso, non. Ah, mais non, Salvador Dali. Non, mais c'était, d'abord, c'est Salvador. Oui. Dali. Ouais. Pas Salvador. C'est Salvador Adamo, tu peux dire. Ah oui. Ah oui. Laisse tes mains sur mes hanches, c'est qui? Ah bah ça, c'est personne. Dali. C'est Dali. C'est quelqu'un qui a le bras long. Ah, mais merde. Non, non. Why? Pourquoi non. J'ai choisi cette chanson? Je ne sais pas. Toutes les chansons. Pourquoi t'as choisi ce métier? Alors, vous disiez qu'il avait peint un petit peu. Oui, un poète surréaliste, romancier, peintre. Ah oui, alors c'est Jean Cocteau. Non. Ou Boris Vian. Illip. Non. Bravo, c'est vrai que vous rappelez d'Illip qu'on a cité à plusieurs reprises ici, oui. Mais ce n'est pas Illip. Ah, alors, ça donc, y est, je sais qui c'est. C'est Benjamin Perret. C'est qui ça, Benjamin Perret? C'est Benjamin Perret. C'est le cousin de Pierre. Qui a écrit Le Gigot, sa vie, son œuvre. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette référence? Non, attendez, on s'arrête deux secondes parce que là, je crois qu'elle a retrouvé un nom d'auteur dans sa cuisine. Benjamin Perret, un grand surréaliste. Et rappelez-moi le titre du livre alors. Le Gigot, sa vie, son œuvre. Oui, c'est un surréaliste un peu, tu vois, genre. Est-ce que c'est pas Max Ernst dont nous parlions? Max Ernst, non. Oh, vous étiez tout près là. Avec est-ce que ça n'a rien à voir, c'est pas un cruciverbiste? Max Jacob. Max Jacob, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ouais. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. Monday, Monday. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les Good Old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party Volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, et ils mettent le paquet pour les fans de foot, hein. Dès demain, le sachet de 75 grammes de mini saucisson sec pur porc est à 92 centimes. Les mini saucissons secs à 92 centimes ? Moins d'un euro chez Lidl ? Alors là, on est hors jeu. Hein. Oh, sûr patron, hein. Et en plus, il y a le choix, hein. Nature, noix ou chorizo. J'en ramène pour la mi-temps. Toi, je vais te mettre sur la touche, hein. On est mal, hein. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 12,27€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il y a du lourd cet après-midi dans Les Grosses Têtes sur RTL. On les retrouve avec Laurent Ruquier. Vous me le prêterez, votre livre, Ariel Dombal, sur le gigot? Je préfère vous prêter celui sur l'anthologie de l'amour, oui. Ça, ah oui. Ah, mais c'est le même auteur. Parce que c'est le même auteur. Ah oui. Et j'ai rêvé de vous il y a deux jours. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben on veut savoir. Ah oui. Qu'est-ce que je faisais? Non, on habitait la même maison. Ah oui? Oui. Mais tout bien, tout honneur. Et pourquoi pas, ça nous reviendrait moins cher. C'est vrai, alors, vous partageriez alors, un majordome. Oui, mais alors coucher 22h. Hein. chez Ruquier, c'est coucher 22h. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait alors? Eh bien, écoutez, c'est drôle, on était dans un lit tête bêche. Ah oui? Ça, oui. Ça a un nom. Ça a un nom et un numéro. Et je suis sûr que vous chantiez moins bien. Forcément. Et ça se passait en quelle année? Non, c'était avant-hier soir. Ah oui, je m'en souviens très bien. Et alors ça, alors, je suis surpris. Tu m'étonnes qu'elle fait beaucoup l'émission. J'en reviens pas encore d'être dans le lit le soir d'Ariel Dombas. Oui, mais enfin, à l'envers. Alors, qui avait la tête en haut et la tête en bas? Ça s'appelle une fusion, Ariel et Homo. Voilà, voilà. Très joli. Ah, c'est un métier, c'est un métier. Pour ça qu'il est chef. Une question pour Linda Rouault, qui habite La Riche, en Indre-et-Loire. On nous parle dans la presse ces jours-ci du cousin de Jean-Luc Godard. Mais pour quelle raison très importante nous parle-t-on du cousin de Jean-Luc Godard? Parce qu'il était célèbre et qu'il vient de mourir. Ah, pas du tout. Au contraire, il lui arrive. Il n'est pas jeune, notez bien. Je crois qu'il a 77 ans, le cousin de Jean-Luc Godard. Et combien il a, Jean-Luc? Combien il a, Jean-Luc? 80 et quelques. Donc c'est le cadet. Est-ce qu'il habite la Suisse comme lui? Non, pas du tout. Il est cousin par qui? C'est même une très bonne question que vous venez de poser, cher Ariel. Car il habite la Belgique. Non, pas du tout. Il habite Monaco. Non, non, non, non. Bah ça, alors justement, si vous trouvez... Léon Duras. Non. Ah! Si on trouve où il habite, on trouve la réponse. Ben un peu, oui, parce Alors, parce qu'il est en train de devenir, peut-être... C'est Bernie Sanders, son cousin. Pas du tout. Un réfugié, monétaire. Il habite aux États-Unis? Non. Un exilé fiscal? Un exilé fiscal, non. Mais lui arrive quelque chose. Est-ce qu'il fait un métier particulier? Ah oui, il lui arrive, là, il est à la une de nombreux journaux. Il est voyou? Il a même une page entière dans Le Monde. Laurent, il s'appelle pas Godard. Il s'appelle pas Godard. Sa maman s'appelait, en revanche, Madeleine Godard. Et elle a épousé un monsieur. Eh ben, elle a épousé un monsieur dont je vais pas vous donner le nom. Ah, vous voulez carrément le nom du mec? Il est connu. Bah oui, c'est comme ça. Non, je vous demande pas son nom parce que vous ne le trouverez pas. Je vous demande simplement pourquoi on en parle en ce moment. Est-ce qu'il est proche de Jean-Luc? Non, je crois pas. J'ai la réponse. C'est un cousin éloigné. On en parle en ce moment parce que vous venez de nous poser une question à propos de lui. C'est pas bête, mais c'est en même temps très con. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous me prenez pour un vicieux, là, franchement. Oh, vous eh ben oui. Est-ce que ça pourrait être un type qui passe ses nuits à lécher les pieds d'Ariel Dombal. Est-ce que ça a à voir avec le cinéma? D'abord, je lèche les pieds d'Ariel Dombal parce qu'ils sont propres, monsieur. Non, il lèche les pieds parce qu'ils sont propres parce que vous les léchez. Oui, et il lèche les pieds parce qu'il est grand. Est-ce que le frère de Jean-Luc Godard est dans la politique? Attendez, vous pouvez me rapprocher parce que votre tête est trop loin, Ariel. Non. Ok. Non. J'ai jamais entendu Ariel Dombal parler de toutes ces choses avant. Je vous ai demandé. Je vous ai demandé si ça avait à voir avec le cinéma, ce garçon-là. Pas du tout. Non. Mais je comprends aussi. Un politicien. Oui, monsieur. Ah. Monsieur Willem vous donne, vous voyez, un bon indice. Politicien en France. Du tout. Pas du en tout. France. Dans Moi, un je pays pense qu'il a rapport avec Dilma Rousseff et le Brésil et qu'il a été à la tête de la révolte pour la déchua. Aucun rapport avec le Brésil, c'est mieux que ça ce qui lui arrive. Est-ce que c'est un pays lointainement étranger? Ah oui, quand même. Il vient d'être élu président de son pays. Oui, exact. Parfait. Et bonne réponse. Le cousin de Jean-Luc Godard vient d'être élu président de la République. Au Honduras. En Amérique du Sud? Non. En Asie Amérique du Sud. En Amérique du Sud, oui. Oui. Au Paraguay. Au Paraguay, non. Costa Rica. Au Cusa. Costa Rica. Non. Au Panama. Madagascar. Quoi? Madagascar, du Sud. Attendez, Madagascar en Amérique du Sud, c'est intéressant. Mais j'aurais pu la faire. Elle est ronde, mais elle fait pas map monde. Si, et vous voulez que je vous montre où est le Honduras? Non, mais on veut bien voir le volcan de la Fourrière. Non, écoutez. Non, il n'y a personne. Pas de racisme, monsieur Perron. Bah, c'est un pays. Dites-moi, est-ce que c'est en Amérique centrale ou en Amérique du Sud? Plutôt Amérique du Sud. Chili, non. Argentine, non. Bah, non. Patagonie, non. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, c'est son nom. C'est forcément... Vient d'être élu président et il est le cousin de Jean-Luc Godard. Ouais, enfin cousin... Sa mère était une Godard, monsieur. L'Équateur. Équateur, non. Son père était un Godard. Alors, il est né à Lima, hein, Pedro Pablo Kuczynski. Bah, le Pérou. La Bolivie. Ah bah, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'aurais pas dû le dire. Le Pérou. Bonne réponse de Péroni. Non, mais je vais accorder les 300 euros à l'auditeur parce qu'il a vraiment. Ouais. Vous êtes d'accord pour accorder les 300 euros à Bien madame sûr. Oui. Oui. À madame Lima. Ah, non, mais parce que c'est vrai qu'en disant Lima, là, d'un seul coup, ça devenait trop facile de deviner Pérou, franchement. Ouais. Je croyais que c'était la Bolivie. De toute façon, c'est vous le chef, vous faites ce que vous voulez, monsieur Ruquier. Merci, Jean-Jacques Péroni. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi? Voilà.

Voici la question très, très, très facile. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance que mes camarades grosses têtes vont vous laisser. Ouais, moi, je suis pas sûr. Vu mon dernier rapport avec les douaniers, je sais pas si je vais laisser 10 secondes. Ah bah si, si. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, parce les douaniers ? Parce que je me suis fait arrêter pour rien, pour un contrôle... Pour rien. Tu parles. Ça a duré 45 minutes sous la flotte. Bah, pourtant, une fouille anale, ça va plus vite en général. La douanière me dit, j'ai dit, mais pourquoi vous m'arrêtez ? Parce qu'on fait du 100%. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, on fait du 100%? Ben, vous êtes tout seul. Donc, on vous arrête, c'est 100%. Non, je te jure, un sketch. Et puis après, ils ont fouillé ma voiture, ils ont trouvé des tas de trucs que je ne savais pas que c'était illégal. C'était pas à toi. Je te jure. C'est pas à moi. Et la maintenant, je suis importateur clandestin. Non, mais je suis fiché aux douanes, ça a duré 45 minutes, j'ai cru mourir. Mais importateur de quoi? D'armes. D'armes! Parce que j'avais un truc en plastique que m'avait offert un copain avec un gel liquide désagréable si jamais on m'embête pour me voler ma voiture comme c'est arrivé avant que je fasse un excès de vitesse, etc. Ne t'énerve pas. Bref, j'ai passé 45 minutes et pendant les 45 minutes où le mec me faisait un roman pour dire que j'étais un importateur clandestin d'armes de catégorie 4 D2, il y a 80 bagnoles qui passaient chargées d'héroïne, de cocaïne, d'armes lourdes, ouais, d'explosifs. Je lui disais, mais quand même, franchement, j'étais un peu sous la flotte en chemise. J'ai vécu un moment tragique. Mais Christophe, on va en savoir plus sur ce gel magique. C'est pas magique, c'est incapacitant. C'est comme une bombe lacrymogène, voilà. Le type me dit, c'est comme une bombe lacrymogène. J'ai dit, bah alors. Il me dit, c'est interdit. J'ai dit, mais honnêtement, entre vous et moi, vous me voyez bien, je vais pas attaquer. Mais le pire, c'est qu'il lui répond. Mais comment, Christophe, comment du gel pour les cheveux peut-il menacer? C'est pas du gel pour agresseur. Les cheveux, c'est un petit gel incapacitant. Pour faire pleurer. Non, un gel incapacitant. En général, c'est pas incapacitant. Oui, mais gel. Là, c'est pas le même gel auquel vous pensez. C'est un gel comme dans un petit truc. Vous avez pas dû vous emmerder dans le rêve d'Ariel. Enfin bref, je suis maintenant importateur d'armes. Voilà. Vous allez bien, Nicolas de... Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là et ça a permis à Christophe de raconter une belle anecdote sur la douane. Non, mais voilà. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Et en arrivant à ma voiture, le type me dit, est-ce que vous avez un certificat communautaire? Vous savez ce que c'est, vous, jeune homme? Oui. Oui, ben moi pas. Et le mec me dit, est-ce que vous savez qu'il y a un certificat? Est-ce que vous avez un... Alors je réfléchis, je me dis, putain, un certificat communautaire, communauté européenne. Je lui dis, oui, mais chez moi. Et je dis, ça changerait quoi? Rien. C'était la douane belge? Non, à Salbris, je les salue. Est-ce que vous pensez qu'un animateur sympathique dans votre situation aurait vécu les mêmes tourments? Je vais vous dire, Gueluc. Je n'ai que faire de vos... Regarde, le public saisit. Oui. Le public sait qui vous êtes maintenant. C'est bon. Nicolas, voici la question. Profitez bien des 10 secondes d'avance, même si Christophe de Chavannes n'a pas envie de faire gagner un douanier. Si, il est pour rien, lui. Alors ça va. Nicolas, attention, voici la question. Qui, hier, a déclaré un shampoing aux œufs, je préfère me le faire chez moi? Moi, je sais. Alors, Emmanuel Macron, c'est gagné. Ouais. Moi, je préfère me le faire aux cheveux, surtout. Et oui, parce qu'évidemment, il a reçu des œufs en pleine figure sur sa belle chevelure blonde. Il en a reçu un. Emmanuel. Cela dit, ça peut faire mal, un œuf. Hein. Ah bon, ça peut faire mal, un surtout œuf. Surtout s'il est dur. S'il est dur et d'autruche. Mais peut-être que Macron a voulu citer cette blague qui est très ancienne, mais d'une autre manière. Est-ce que je vous fais un shampoing aux œufs? Non, s'il vous plaît, seulement à la tête. Voilà. Un shampoing aux œufs. Ariel est en train de noter l'histoire. Non, Ariel est en train de la comprendre. Oui, parce qu'il y a un délai. Ouais. Ariel va dire, je ne savais pas qu'on shampouinait les couilles. Elle le sait très bien. Non. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Ariel? Qu'est-ce que c'est que ce chamboule-tout dans lequel vous venez ici, tout d'un coup? Mais oui, là, je dois dire qu'on y va très fort. On vous remercie, Nicolas. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Bon, les gars, c'est une semaine historique. Si on veut accrocher ce record, va falloir donner le maximum. Ouais. C'est cette semaine ou jamais, je peux compter sur vous. Ouais. Je veux 24 mecs à fond, 24 champions. Mais coach, on est que 11. J'ai dit 24, je veux tout le monde, les remplaçants, même les arbitres. Semaine Euromillion My Million UEFA Euro 2016. Mardi 7 et vendredi 10 juin, pour la première fois, 24 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.

En effet, il s'appelle Agneta Anifrid pour les jeunes femmes et Björn et Benny pour les garçons. De A, de B, ça a donné le groupe ABBA. Ah bah, ils auraient pu s'appeler Baba aussi. Gémé, gémé, gémé, na, na, na, na, na. Ah oui. C'est du c'est du suédois, Laurent. Non, mais remarquez. Là, on a envie de crier ABBA, Ariel. Moi, c'est Christophe, tu connais. Bah c'est ça, bah. Waterloo, Christophe. Give me a man after midnight. C'est ça, non? Et Waterloo, vous connaissez pas Waterloo? Waterloo. Waterloo. Ouais, mais c'est ça, pour ça j'ai mais pas j'ai fait. Jamais su si on disait, tiens Philippe, est-ce qu'on dit, Gueluc, est-ce qu'on dit Waterloo ou Waterloo? On dit Waterloo. Et quand tu vas en vacances aussi? Comme c'est amusant. Et toi, quand tu montes dans un train, tu montes dans le wagon? Et pourquoi tu me parles comme ça avec cet air de dédaigneux? Je crois que monsieur non, mais j'aime bien manger du kiwi. je crois que monsieur de Chawanne n'est pas très content. Pourquoi s'est-on fait chier à inventer le V et le W si c'est pour les prononcer de la même manière? Eh ben comment tu m'expliques alors que les Belges disent BMW? Le wapiti par exemple. Tu appelles ça un wapiti? Non, j'appelle ça wapiti. Mais quand il y a des watts, je dis pas il y a des watts. Ah ben non. Eh ben si vous. Alors pourquoi parfois tu dis W et parfois V? Parce qu'on ne va pas toujours au Vater. Une autre question pour Quentin Guinebeau qui habite Puiseau dans le Loiret. Oui, mais... Et la question concerne évidemment notre station RTL qui accueillait ce matin Ségolène Royal. Et si vous avez entendu la ministre de l'Environnement qui parlait... On a autre chose à foutre. Ah ben, vous êtes bien tort parce que vous pourriez ainsi répondre à la question, monsieur Perroni. Allons-y. Alors, oui, parce qu'à un moment donné, madame Ségolène Royal, qui était là pour parler des inondations, a lancé un appel aux assurances en disant que les assurances devaient rembourser sans quoi? Voilà un verbe qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Sans atermoyer. Alors, c'est ce que cela veut dire, mais ce n'est pas le verbe qu'elle a utilisé. Tergiverser? Tergiverser, c'est un peu aussi ce que cela veut dire. Barguigner. Sans barguigner. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ce succès est grotesque. Je vais vous dire... Il n'est pas besoin d'écouter Ségolène Royal pour trouver la bonne réponse. Exactement. On a gagné du temps. Barguigner, ça vient de l'allemand Borgagnan, qui veut dire marchander. Vous me l'auriez demandé, je vous l'aurais dit. Ça se rapproche aussi de l'anglais to bargain, qui veut dire aussi marchander. Yes. Hésiter, avoir de la peine à se déterminer. Et Madame Royal a donc demandé aux compagnies d'assurance de ne pas barguigner quand il s'agira de rembourser. Parce que c'est vrai que les compagnies d'assurance barguignent. Ah, c'est leur sport favori. Le sport favori des assurances, c'est de ne pas payer. Oui. Oui. Ah oui. Donc ils vont tout chercher, sauf quand je pense et j'espère quand il y a un décret de catastrophe naturelle. Oui, mais catastrophe naturelle. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? Quand tu commences à chanter. Non. C'est tout. Non mais normalement. Mais sauvons Ariel, sauvons Ariel, sauvons Ariel. Oui, merci. Appelons le capitaine Baril. Cette pluie qui n'a pas cessé, ce n'est tout de même que la seule promesse tenue de François Hollande. Non, mais la catastrophe naturelle, en tout cas, moi j'ai entendu des choses précises sur les assurances et il semble que... Pour les assurances doivent rembourser aux particuliers, après ces inondations, 7 000 euros pour les particuliers et 24 000 pour... Non, mais tout dépend des estimations. Mais c'est ça, mais c'est cerise du groupe Ama, Ariel. Quand c'est une catastrophe naturelle, normalement, c'est remboursé. C'est très cher, quoi. Voilà que maintenant, il fait des têtes à queue avec Aspalès et Chevalier. Dans quelle compagnie d'assurance vous avez signé où, vous, Ariel? Ah, bah, je sais pas. Bah, oui. Ah, bah, comment ça, dire. Vous savez pas, vous occupez pas de vos papiers, Ariel? Non, bien sûr. Allô, j'ai jamais lu un contrat de ma vie. Vous n'avez jamais lu un contrat de votre vie? Non. Allô, RTL? Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Et Delvaux, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss.

je me souviens plus exactement, qui, en se moquant, a dit qui a engrossé les 343 salopes. Oui. Le manifeste des 343 salopes. Et du coup, c'est entré dans l'histoire comme le manifeste des 343 salopes. Ah, c'était pas elle qui l'avait nommé comme ça. Non, c'était pas elle. Ah, pardon. Elle s'était pas revendiquée comme telle. Belle précision. Vous en avez choisi 8, parmi lesquelles Messaline. Ariel Dombal demandait si elle était empoisonneuse, Messaline. Elle était empoisonneuse aussi. C'est pas vrai, Ariel Dombal demandait à quelle position elle est dans le classement de l'UNESCO. Ariel Dombal voulait savoir si elle pouvait être dans le tome 2. Je lui souhaite parce que c'est des femmes formidables, les salopes. Mais Saline était insatiable. Hein, c'est le sous-titre du chapitre qui lui est consacré. C'est-à-dire elle avait des concours. Des concours, comment ça racontait? Elle avait fait un concours avec une grande prostituée, la plus grande prostituée de Rome. En taille? Ça, je ne sais pas. En tout cas, en tempérament et en capacité d'accueil, on va dire. Et voilà, l'idée, c'était que tous les hommes qui voulaient venir coucher avec ces deux nanas pouvaient. Et c'était celle qui dirait amen. Et celle qui a dit amen, qui a dit stop, ça a été la prostituée. Est-ce qu'on peut considérer que c'était une nymphomane ou pas? Parce que ça n'est pas parce qu'une femme a un grand débit que c'est forcément une nymphomane. Bah, moi, je ne trouve pas, mais je vois la vie de Madame Grossman. Enfin, quand même. Et non, je sais pas. Non, elle était pas. C'était pas maladif. C'était voilà. Un coup. Je pense qu'elle s'ennuyait beaucoup. Attends. Hein, enfin, quand même. Non, je suis d'accord. Mais avec dites-moi, Madame Grossman, et ne me dites tout de même pas qu'elle rêvait parfois qu'elle dormait tête bêche avec le patron. Elle devait le faire aussi, parce que je pense qu'elle s'est tapée aussi son mari, en plus. Hein, dans Suétone, la vie des 12 Césars, il le dit, on la laissait seule dans la cuisine, elle suçait les pieds de la table. C'est vrai, ça. Ah, écoutez, c'est très élégant, moi, je ne l'ai pas lu, mais monsieur a l'air beaucoup plus calé qu'en salope. Et plus chic. Quand même, vous exagérez. Mais attends, elle est nymphomane. Vous exagérez, il a raison, quand même, notre ami Christophe Willem, elle est quand même un peu nymphomane. Moi, je suis pas d'accord. Une femme qui dit... Attends, c'est je suis pas d'accord. Oui, enfin... Oui, femme. C'est vrai qu'elle est capable, quand même, quand elle fait le concours avec la prostituée... Ah bah oui, quand même. Elle reçoit... De dire, je fais porte ouverte. Une partie de la nuit... Elle se fait, comment dire... Démonter. Voilà. Non, mais je crois qu'elle... Mais il y a bonne réponse de Christophe Willem. C'est une bonne réponse. Allez. Ça s'appelait en latin un gangum bangum. Alors parmi les huit, il faut quand même citer les sept autres. Oui. Cléopâtre fait partie des salopes. La reine Margot. Oui. Catherine II de Russie. Joséphine de Beauharnais aussi. Madame Tallien et Matari. Oui. Et le tunnel du Mont Blanc. Et quel est votre prénom, Madame Grossman? Agnès. Parce que Madame, quand on fait un livre sur les salopes, ça c'est pour pas. Ça que je voulais votre prénom. Voilà. Agnès. Je vous trouve tout à fait délicieuse à écouter, en tout cas. Je ne sais pas comment va votre mari, mais je vous trouve. Il est parti avec une salope. Ah bah écoutez, merde. Vous méritez bien. Alors nous en parlerons, Agnès. Vous méritez bien, effectivement. Je peux avoir le livre? Ah ben, je vais vous l'offrir. Agnès. Il va la recontacter, Monsieur de Chavannes. Non, mais si vous avez envie qu'on discute un peu de ces femmes célèbres. Et Madame Grossman, je rappelle qu'en 1912, vous aviez sorti un premier livre. On n'entend plus Agnès. Allô. Elle s'est réincarnée depuis. Elle s'est réincarnée. On vous embrasse, Madame Grossman. Les grosses têtes. Laurent Ruquier sur RTL. Pendant ce temps, chez Renault... Bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Captur dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. Zone anti-vichère et chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, vous les jouez en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et jusqu'à 50% en avantage carte. 50%, ça c'est sport. Intermarché, tous unis contre la vichère. Règlement du jeu, modalité et magasins participants sur intermarché.com du 7 au 12 juin. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Le Capla, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Carrefour Market. Je reviens d'un week-end à la campagne, c'était super. Mais le chant du coq tous les matins à 5h, oh là. Vous préférez qu'il chante dans votre assiette, Michel? Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% de remise immédiate sur les cuisses et filets de poulet Maître Coq Origine France. Oh, j'aime mieux ce que vous me chantez là. Et c'est aussi valable sur toute une sélection de produits de marque. Cocorico! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La barquette de 980 grammes, blanc ou jaune, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Soche présente. Eh, hey, tu sais quoi? Je suis pas chez Soche. Oh mince, je suis pas chez Soche. Ben, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre. Ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange. Le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super! J'ai passé chez Soche. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soche promo. Soche! Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soche.fr. Il faut que je pense à faire ma vie dans 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite. Avec Oscaro.com, vous pouvez facilement effectuer vous-même votre vidange. C'est possible. Oui, Oscaro.com vous propose de l'huile moteur adaptée à votre véhicule. C'est simple et très économique. Facile et pas cher, je me lance. Et en ce moment, en achetant de l'huile Total Wealth sur Oscaro.com, vous pouvez gagner 2 stages de pilotage sur le circuit mythique de Magny-Cours. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Eh, pas mal la valise d'aujourd'hui, mais va-t-elle être gagnée? On le saura dans un instant. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire pour être appelé aussi par Laurent Ruquier et ses grosses têtes et la gagner, cette valise. RTL.fr ou encore par SMS avec le mot valise au 74 900. RTL. La valise. La valise RTL, 1063€, le nouveau Wistiki designé par Stark qui vous permet de façon connectée de ne pas perdre vos clés ou en tout cas de les retrouver. Un ensemble de valises Davids et le CD Beach Party volume 2 de George Lang. On n'a rien ajouté hier dans la valise RTL, donc non, ça veut dire que c'est une vieille valise, oui Philippe? Non, vous ne retrouviez pas la liste. Eh ben voilà, oui. Voilà. Tout à l'heure j'ajouterai encore quelque chose évidemment dans mais la valise. Je vous reconnais bien là. On va demander à Christophe Willem, puisque hier Ariel a su lui montrer. Il va prendre un vent. Ah non, Ariel, Ariel vous a montré comment il fallait faire hier. Mais j'ai, oui. Et vous allez, donc, quand la personne va décrocher, lui dire bonjour, voilà. C'est Christophe Willem sur RTL, c'est pour la valise. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Mais avant ça. Ah oui, mais avant ça, il faudra que tu trouves un numéro entre 1 et 20. Voilà. Et quand tu auras eu l'eau. Mais il est chanteur, il n'est pas footballeur. Bah, c'est assez proche, hein, quand même. C'est vrai, les chanteurs sont cons aussi. Ah bah, regarde, qu'est-ce que je te dis. Alors, bon, alors, pas tous. Christophe, bon. Un numéro entre 1 et 20. 3. Le 3. Ouais. Alors, notez bien le nom. Il s'agit normalement de Stéphanie. Stéphanie Cuyandre, qui habite Saint-Malo. Allô? Oui, bonjour Stéphanie? Oui. Oui, bonjour, c'est Christophe Willem. Oui. Je vous appelle, en fait, on est sur RTL. Et... on est... Oui, je sais, ça vous fait bizarre. Ah, qu'est-ce qui lui fait bizarre? Bah, écoutez, je suis ravie et je vous suis depuis hier. Je sais que vous êtes arrivée hier et je suis ravie de vous entendre. Ah, merci beaucoup. Ah, ça, c'est une auditrice fidèle. Voilà. Oui. Bon, au moins sur 2 jours. Oui. Bon. Vous aimez bien Christophe? On doit dire Willem, moi je dis Willem bêtement. Non, maman dit Willem, mais je sais que vous dites Willem. Ça dépend si on est en vacances. Voilà, tout dépend. Je vais vous dire, moi j'ai fait un petit sondage et du côté de Waterloo en Belgique, on dit Willem. Alors, vous êtes contente que Christophe Willem ait intégré les grosses têtes alors? Oui, je suis ravie. Et vous savez pourquoi il vous appelle? Pour la Wallise. Pour la Wallise. Alors, est-ce que vous savez du coup le contenu de la valise? Alors, il faut que je retrouve simplement mon papier. Ah. Vous l'avez mis sous le qui-vive. Alors, 1063€. Ça, c'est bien. Un Wistiki by Stark. Oui. 3 valises rouges David. Oui. Ça sent la valise, hein. Un album volume 2 Beach Party de George Lang. Oui. Ça sent la valise. Et hier, on a ajouté quoi? Alors, on a ajouté Mince, je l'ai noté en plus. Oh non, c'est dégueulasse. Oh non, c'est salaud, ça. Non, non. N'écoutez pas cet individu. Hier, on a ajouté quoi à votre... Je l'ai noté. Mince, je l'ai noté. Ne tombez pas dans le piège. Hier, on n'a rien ajouté. Ah bon. Oh, la montre. La belle Ariel me porte bonheur. Vous avez gagné la valise RTL. Vous vous rendez compte, Christophe? Christophe Willem vous a porté bonheur. C'est sa première valise et il vous fait gagner d'emblée. Vous vous rendez compte? Bah, je l'embrasse très fort. Voilà. 1063 euros, c'est chouette. Je suis ravie, vraiment. Un Wistiki qui vous permettra de ne plus perdre vos clés. C'est un petit objet connecté que vous mettez autour de vos clés. C'est Stark qui a designé ça. Et alors là, bah, encore se faire des thunes. Ouais. Moi, ça m'intéresserait un truc comme ça. Ah oui, oui, honnêtement. Ah oui, parking, ouais, pour, pas pour moi, pour ma femme. Ah oui, pourquoi? Bah, parce que je la retrouve pas partout. Un ensemble de valises Davids, trois valises rouges aux couleurs de la station, et puis le CD Beach Party volume 2 de George Lang. Ah non, c'est bien, hein, franchement. Non, mais c'est classe. Ah, oui, ah oui, on est content pour vous. Ah, oui. Ariel va même, je crois, vous embrasser en plus. Mais oui, Stéphanie, et j'ai entendu qu'elle a dit Ariel m'a porté bonheur. La belle Ariel. Oui, je l'apprécie énormément, et puis elle est formidable dans les grosses têtes, bon. Vraiment. Mais vous avez une très très jolie voix. Oui, vous avez une très jolie voix. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Stéphanie? Je suis professeur des écoles. Ah, et parmi les petites questions, parmi les dessinateurs belges dans l'équipe, qui appréciez-vous particulièrement? Ça commence par un G. Ah voilà. Et parmi les animateurs. Quand il était jeune, ça commençait par un G. Maintenant. Alors là, c'est fin, ça. Jean-Jacques, un petit bonjour peut-être, Jean-Jacques. Vous êtes à Saint-Malo. Est-ce que la ville n'est pas sûre? Parce qu'il paraît que Philippe Chevalier y habite. Ah, je ne savais pas. Bah, vous me l'apprenez. Si. Intramuros, il habite. Je suis allé à Saint-Malo une ou deux fois dans ma vie. Merci pour cette anecdote, Christophe. et j'avoue avoir eu du mal à dormir à cause des mouettes. Ah bon? Car Saint-Malo est très très très mouetteux. Il y en a énormément. Mouetteux, mais la nuit, elle dort. Non, oui, mais elle se lève très tôt. Elle se lève très tôt. Ah, on voit que vous venez de Normandie. Coucou, franchement. Coucou, c'est nous. Toute la nuit, on les entend. Et quand elle coucou, se lève. C'est nous. Dès qu'elle voit un vieux croton, elle sent heureuse. Tiens. Vous avez un mari, Stéphanie? Oui, j'ai un mari, oui. Monsieur Cuyandre? Oui. Et quand il va rentrer ce soir, racontez-nous, faites-nous la scène. Oui. Moi, j'aime bien savoir ça. Ce soir, il rentre à la maison après le travail. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Cuyandre? Qu'est-ce qu'il fait? Il est prof aussi ou institut, forcément? Non, agent des douanes. Agent des. Dites-moi, il travaille pas du côté de Salbris, par hasard. Parce que là, la valise, elle va revenir. Hein. Bon, alors ce soir, l'agent des douanes. C'est comment son prénom? Frédéric. Bon, ce soir, il rentre chez vous. Évidemment, la première chose qu'il vous demande, il vous dit, alors, rien à déclarer? Ah ben, je veux dire, j'ai attrapé une jolie valise. J'ai attrapé une jolie valise, grâce à Christophe Willem, Ariel Dombal et RTL. On vous embrasse, Stéphanie. Oui, bravo. Merci. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Ce soir, les curieux, un comment, un pourquoi, une romance et un rendez-vous. Comment les sélectionneurs ont vécu les moments marquants de l'équipe de France de football? Pourquoi, en 1939, un navire chargé de 1000 réfugiés juifs allemands n'a pu débarquer ses passagers de l'autre côté de l'Atlantique? Et puis la romance de Céline Dion et René, chanson et amour n'ont jamais été aussi bien associés. Et le rendez-vous, c'est 20h sur RTL. 118 712, le numéro de référence pour trouver un coiffeur. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%? Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Ah, c'est l'habitant. Eh, on se prend une petite bière? Ah, volontiers, Daniel, parce qu'ils m'ont donné soif à courir comme ça, là. Eh ben, allez voir dans le frigo. Ouvrez. Ah oui, d'accord. Chez U, en ce moment, il y a 50% de remise immédiate sur le pack de 12 bouteilles 25 centilitres de bière blonde Carlsberg 5 degrés. Ça met le pack à 3,50€. Et des mi-temps, on va en avoir dans les jours à venir, hein, croyez-moi. Soit 1,17€ le litre, jusqu'au 18 juin dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de Simon. Simon? Ah, c'est qui Simon? Bien essayé. En attendant, les sacs de Simon, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149€ par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149€ hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Information sur volkswagen-utilitaire.fr. RTL. Toujours avec vous. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL, il est 17h. Les infos Marie Guerrier. Les orages annoncés sont là. Les Hauts-de-France sont en vigilance orange. Une centaine d'interventions de pompiers dans le Pas-de-Calais. Un afflux d'appels au 18 dans le Nord, nous signale Franck Hanson dans la région pour RTL. La ville de Lille a fermé ses parcs cet après-midi. De violentes averses d'orages également en Picardie, notamment sur Beauvais. Le Grand Est est aussi en vigilance orange. De gros grêlons sont tombés à Reims. Forte pluie dans les Vosges. En l'espace de quelques minutes, l'eau dévale les routes et envahit les rues. Vigilance orange pour les orages également en Bourgogne pour le département de la Côte d'Or. Et puis les orages grondent en fait plus au sud, hein, dans le Massif central, la vallée du Rhône et près de la Méditerranée. Des pluies diluviennes tout à l'heure dans les Alpes-Maritimes, 90 mm d'eau en une heure tombée à Puget-Théniers. Les voitures avaient de l'eau jusqu'en haut des roues. Des orages annoncés aussi en Ile-de-France et en Haute-Normandie d'ici à ce soir. Il va pleuvoir sur des zones déjà inondées. Des cumuls de pluie qui pourraient être importants. Les départements de l'Essonne, de l'Eure et de la Seine-Maritime sont maintenus en vigilance orange crue. Ce sont pour autant, alors dans les zones inondées, la décrue n'est pas terminée, hein, loin de là. Alors la Seine, elle, continue à descendre aujourd'hui à Paris, mais les voies sur berge sont toujours inondées et le RERC ne circule toujours pas. 30 millions d'euros viennent d'être débloqués pour le fonds d'urgence et une aide de l'ordre de 500€ par famille sera accordée aux sinistrés des inondations qui n'ont pas de ressources, c'est ce qu'avait promis le gouvernement. Après le projet d'accord conclu cette nuit à la SNCF sur l'organisation du temps de travail, ce n'est pas encore la fin de la grève, mais pour autant, les perturbations devraient être moins importantes demain. Sudrail et Force ouvrière ont voté la poursuite du mouvement, mais la CGT ne donne pas de consigne. Certains cheminots reprendront donc le travail demain. Dans l'actualité, il y a aussi la condamnation aujourd'hui de la Société Générale devant les prud'hommes. La banque doit payer plus de 450 000 euros à son ancien trader Jérôme Kerviel pour l'avoir licencié sans cause réelle ni sérieuse et dans des conditions vexatoires, disent les prud'hommes. La Société Générale fait appel de cette décision qu'elle juge scandaleuse. Elle avait licencié Jérôme Kerviel il y a 8 ans après la perte de près de 5 milliards d'euros. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Marie. Vous allez revenir bien sûr sur cette affaire Société Générale Kerviel dans RTL. Absolument, avec les principaux concernés, puisque l'ex-trader Jérôme Kerviel et son avocat, donc Maître Koubi, ont choisi RTL Soir pour leur première réaction. Alors cette victoire, en première instance donc, hein, au prud'homme, va-t-elle réellement changer la donne? Puisque, je vous le rappelle, hein, Jérôme Kerviel a été condamné par le tribunal correctionnel. On verra ça tout à l'heure avec eux. Merci, à tout à l'heure Marc-Olivier dans RTL Soir à partir de 18h. 180 policiers venus des pays qui participent à l'Euro de foot sont arrivés en France pour aider à traquer les hooligans. Chaque pays a une connaissance précise des violences liées à ses supporters respectifs. Alors l'objectif de cette coopération internationale policière est d'anticiper les troubles éventuels en marge des matchs. Les équipes de foot européennes arrivent en France et c'est beaucoup plus festif. Les Allemands s'installent ce soir à Évian, les Croates sont arrivés à Deauville, les Polonais à La Baule et les Suédois de Zlatan Ibrahimovic sont attendus à Pornichet. Il est 17h03, vous êtes sur RTL. Dans quelques minutes, la suite et fin des courses à Saint-Cloud avec Bernard Glass. Mais d'abord, les Grosses Têtes et Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les Grosses Têtes sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Christophe de Chavannes, Jean-Jacques Perroni, Philippe Gueluc et Christophe Willem. Bonjour Philippe. Il faut expliquer à Christophe Willem pourquoi on se dit bonjour toujours en début de deuxième heure. Moi, ça fait 20 ans que ça dure, on ne sait toujours pas pourquoi. Mais non, ça, c'est par politesse. T'as un vieux gag entre nous. Ah. C'est par politesse envers les auditeurs qui prendraient la parole en ce moment. On se redit bonjour. Vrai. Je vais poser maintenant une question assez compliquée, je tiens à le dire. Qui pourrait faire qu'on va envoyer 300 euros à Charlottesville, en Virginie, aux États-Unis. Oh là là. Carrément. Ah oui, oui, on a des auditeurs là-bas. Et monsieur Damien Libert, c'est son. Non. Ah, je croyais que c'était qu'on envoyait à Charlottesville. Non. Oh. Damien nous dit, votre émission est pour moi une connexion réconfortante à la culture et à l'humour français que j'écoute chaque jour en podcast. Oh non, t'es lèche-cul, quoi, déjà, d'auteur. J'espère pour lui 300 euros. Je vais vous donner des noms, et ces noms ont tous un point commun, et c'est pas par hasard, évidemment, qu'on en reparle dans certains journaux ces jours-ci. Alors. Leopoldo Torlonia, Prospero Colonna, Luigi Rava, Riccardo Motta, Giovanni Orgera, Francesco Diana et Glauco Della Porta. Ce sont des boxeurs, non. Des mafieux. Des mafieux, non. Des footballeurs. Non plus. Des Italiens, oui. Qui a dit ça? Non, moi. Eh ben quoi, ils auraient pu être corses, c'est pardon. Ils auraient pu être corses. Vous avez raison. Merci de votre moquerie inutile. Je commence à en avoir plein le cul. Moi, je viens gentiment ici. Je suis avec... Non. Plaignez-vous. Escort, s'il vous plaît. Sinon, c'est la NPE. Voulais vous demander si ce n'était pas la liste des anciens maires de Rome. Et c'est la bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. L'histoire, c'est que c'est pas une femme qui en passe de devenir maire de Rome. Monsieur Christophe Willem, oui, dites-moi. Mais vous avez un peu de culture pour une fois, parce que j'ai quand même lu ce matin. C'est pas une femme qui est en train de devenir maire de Rome. C'est Valérie Mérès, maintenant. Non, mais je crois que c'est la Cicciolina, non? C'est pas ça, l'histoire. Virginia Raggi. Virginia Raggi, candidate du mouvement 5 étoiles. Elle est en tête des municipales à Rome. C'est la première fois qu'une femme serait maire de Rome. Là, je vous ai donné des noms de tous les maires. 5 étoiles, c'est un peu le cognac courvoisier, hein. Ah, mais c'est drôle les noms des maires de Rome. Le premier, c'était Giuseppe Lunati. Après, vous avez eu Filippo Doria Fampilli, Giovanni Angelini, Francesco Pallavicini, Francesco Grispini, Pietro Venturi. Et Robert Meuleman. On se demande ce qu'il faisait là. Alors, j'ai évidemment une question supplémentaire, et ce sera peut-être 300 euros pour monsieur Rémi Hurt qui habite Regisheim. Une question de géographie. Attendez, dans quelle région italienne se trouve Rome, la capitale? Dans le Latium. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Est-ce que t'as noté? Et voilà le travail. Je n'ai jamais entendu le nom de la région de Rome. Ouais. Rome, unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant? Voilà qui est beau. C'est tout? Et Nietzsche Feuillère. Vous n'avez pas appris... Elle n'a pas donné la fin. Rome, n'oublie pas de m'attendre un moment. Pourquoi vous n'avez pas... Je pensais que vous alliez, cher Ariel, plutôt que de nous déclamer ainsi de vers... Il faudrait plus de deux. Hein. nous interpréter une petite chanson italienne, vous voyez. Felicità. Felicità. Felicità. Ah, excusez-moi, vous voulez une chanson italienne? Non, mais là, c'est pas le bon Christophe. On va demander à Willem. Non, mais moi, je peux. Ti amo, ta la la ti amo. C'est ça que t'appelles connaître? Bah oui. Felicità. Attends. Non, mais moi, je connais pas bien. Lasciatemi cantare. Allez, lasciatemi cantare. Oh ben j'arrête là alors. Ma sembito cado dove il mio debole, sarò una vipera, sarò. Et ben voilà, tout ça c'est bien. Dans un instant, retour des Grosses Têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Dit. Oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam. Oui. À 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là ? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme ? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%. Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence ? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant ? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. À vous de jouer, hein, quoi ? C'est à vous ! Mais attendez Daniel, je suis pas footballeur moi. Non mais vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Toute l'équipe des nouveaux commerçants s'est mobilisée pour vous faire profiter dans leur magasin U de super remises immédiates, dans plein de rayons, immédiates les remises. Ça veut dire des économies directes dans votre poche et vous vous restez là, il reste là tranquille sur le banc de touche. Voilà, c'est à vous de jouer, à vous d'en profiter enfin, bon. C'est jusqu'au 18 juin sur une sélection de produits dans les magasins U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Bernard, oui. Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. L'escabeau professionnel 5 marches garanti 10 ans est à 88€. Et pour 1€ de plus, tu as un marchepied de 3 marches. 3 marches en plus ? Pour 1€ de plus ? Oh bah j'ai envie de dire ça roule. Non, t'as pas plutôt envie de dire ça marche ? Gédimat, matériaux et bricolage. Il est 17h10. Bonsoir Bernard Glass. Bonsoir Virginie. Vous êtes à Saint-Cloud pour l'arrivée des courses. Tout à fait, avec un rappel bien entendu de l'arrivée du Quintet, qui était la troisième épreuve. Le 9 était non partant, le numéro plus 964 et la bonne combinaison, le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8. Arrivé rapport de la septième épreuve, le 3 était non partant. Là, c'est le 8 Blonville qui s'impose, 3,41,70 devant le 6 Ingaraya, 3,40 et le 2 Rip Van Susaï, 2,50, quatrième place pour le 5. Et puis la huitième et dernière a vu la victoire du 7 Dylanel, 12,70 et 4€ placés devant le 9 Géordi Georges, 5,60 et le 8 Volé la nuit, 4,30 placés, quatrième place pour le 5, 5, 9, 8 et 5. La huitième et dernière, les courses sont terminées. Elles auront lieu demain à Laval au Trou, un beau quintet, les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 3210 et le site onrefaitlescourses.fr. Et j'espère que vous avez mis votre casquette avec ce beau soleil, Bernard. Je vais bronzer à Laval, chouette. Eh, Maquet, voici les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est ça ? RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Marie Morales est au téléphone. Bonjour Marie. Oh, oui, bonjour. Vous habitez Mazamet dans le Tarn, Marie. Ah, très joli. Tout à fait. Vous connaissez Christophe ? Oui, je connais. Ah, oui. Vous avez chanté à Mazamet ? Non, mais ma sœur habite à Groyer. C'est bien. Bonsoir. C'est très bien. Vous connaissez la sœur de Christophe Willem à Groyer ? Peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Elles ont dormi tête bêche hier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie ? Assistante commerciale dans une entreprise dans le bâtiment. Assistante commerciale dans l'accent. Le bâtiment. Vous avez bien l'accent du Tarn, Marie. Oh, mince. Ça s'entend pas du tout. Ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup les accents, Marie. Écoutez, franchement, l'accent germanique. Et je le prouve d'ailleurs, ne serait-ce que avec Christina Cordula, avec Marcela Yacoub. Ah bah oui. Ah non, mais là, ce sont pas des accents. Là. On est au-delà de l'accent. Pierre Bénichou. Ariel. Philippe Geluck. Philippe Geluck. L'accent belge. Ariel Dombal. Oui. L'accent parisien. Non, non, l'accent mexicain. Ah, c'est un accent mexicain. Oui, oui. Typiquement. C'est typico. Mexicain qui a un petit peu de blé, tu vois. Enfin. Tout de suite, je me suis dit, ça, c'est mexicain comme accent. Ouais. Et moi, tu m'as regardé, t'as dit, un mexicain. Non. Marie, voici la question qui va vous emmener à l'hôtel Beau Rivage. Magnifique hôtel, face au lac de Gérardmer. De nuit, avec votre mari Carleur. Ah, ils y vont que de nuit, ils passent pas la journée. Une piscine couverte, un espace spa beauté, hammam, sauna, jacuzzi, le lac jacuzzi. Ah bah oui, des mille olus. Le lac, les montagnes, les Vosges, autant dire. Les Vosges, les Vosges. Les deux restaurants avec vue panoramique, le soleil couchant et le chef Valérian Privat. Joli séjour à Gérard Mer. Marie, si vous répondez à la question qui vient, où boit-on le plus en Europe? Dans quel pays? Peut-être avez-vous vu la une du Parisien ce matin. Les Français, parce que Jean-Jacques Perroni doit faire un effort encore, les Français ne sont que quatrième. Merde, même là, on n'est pas premier. Et oui. Et oui, on a le classement en litres par personne de plus de 15 ans. C'est horrible. Par vous parlez de boissons alcooliques. Oui, de boissons alcooliques. Qui boit le plus? Alcoolisé, en tout cas. De boissons alcoolisées en Europe. Les derniers, ceux qui boivent le moins, ce sont les Italiens, justement. Oui, ils font du très bon vin, mais je n'ai jamais vu des gens boire aussi peu. Dans les bars, ils boivent un café. C'est tout, et à table, ils boivent très très peu. Les Italiens boivent peu d'alcool. Ce ne serait pas un pays de l'Est? Alors, c'est un pays plutôt à l'Est, oui. À l'Est? Estonie? L'Estonie? Non, non, l'Estonie, non. Les Anglais? Est-ce que Václav Havel n'a pas été président? À l'Est, on vous a dit. Slovénie, non. Vous êtes tout près. Biélorussie? Non. Václav Havel, ça vous rappelle quelque chose? Václav Havel? Ouais, c'est très bon. République tchèque. La République tchèque! Voilà! Ce sont les Tchèques qui picolent le plus. Ah, c'est sympa comme sondage. Et même les Tchèques sans provision. Non, bien sûr. Mais ils font... non. Je savais pas que les Tchèques picolaient. Alors moi. Si, ils font la meilleure bière du monde. C'est la Pilsen. La Pilsen, ah, bon, oui, elle n'est pas mauvaise. En Belgique, ça attise bien aussi. Ah, en Belgique, ça attise pas mal. On est combien sur la liste? Alors les Belges... Non, vous n'y êtes pas dans le classement. Non, bah, non, classement parce que vous êtes à la bière. On est hors concours. Ah, oui, ah si, vous êtes 11e. Entre les Portugais et les Espagnols. Ah mais je suis déçu. Je pensais que... Et même les Anglais, moi je pensais... C'est que les Anglais picolaient plus que ça. Ils sont que 13e. Oui, mais je pense c'est n'importe quoi. Je pense que la force de l'alcool doit rentrer en jeu parce que les gens des pays de l'Est boivent de l'alcool super hard, genre vodka sorti du fût direct, alors que nos amis belges ou les Anglais, c'est plutôt la bière, etc. Donc c'est un peu moins violent comme alcoolisme, j'imagine. Ah, ouais. Vous croyez que c'est par taux d'alcoolémie, alors? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas... Mais arrêtez de parler de ce que vous connaissez pas. Il vous arrive d'être ivre, Ariel? Eh bien, je dois avouer que mes grands-parents avaient un très bon vin, Pouilly-Fuissé, un Bourgogne, le vin devrait couler dans mes veines. Oh. Et comme j'ai été élevée au Mexique, eh bien, je ne bois pas. Et le mezcal, non. C'est pas un serpent? Le mezcal est un des plus forts alcools c'est du monde. Du un alcool d'agave. Non, mais j'adore les gens qui boivent. Vraiment, vraiment, j'aime profite. Beaucoup les gens ivres. J'aime ça. On sait comment elle finit tête bêche. Péroni, vous avez vos chances finalement. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. 118 712, le numéro de référence pour trouver un garagiste. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Bonjour. Bonjour. C'est Rémi de Tabac Info Service. Je vous appelle pour faire le bilan de cette nouvelle semaine sans cigarette. Eh ben, la semaine a été dure. Vous savez, je cherche un emploi et j'ai eu quelques entretiens. Ouais. J'étais stressé et j'ai eu du mal à résister. Oui, je comprends. Quand on est fumeur, on a souvent l'impression qu'une cigarette soulage. Alors qu'en réalité, la nicotine entretient le stress. Vraiment? Mais oui. Et d'ailleurs, il y a des moyens plus efficaces pour se détendre. On peut en parler aujourd'hui. Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 3989, appel non surtaxé et bénéficiez d'un suivi personnalisé et gratuit par un tabacologue. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça, hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers repose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Nous savons que les cambrioleurs font du repérage avant d'agir et qu'ils savent où chercher vos biens les plus chers. Nous savons qu'après un cambriolage, on ne se sent plus en sécurité dans sa propre maison. Mais chez Vérissure, votre sécurité est notre métier. Nos milliers d'agents veillent jour et nuit et savent réagir en quelques secondes pour protéger votre maison et ceux que vous aimez. Protégez ce qui compte pour vous avec une alarme télésurveillée Vérissure par Securitas Direct. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Maman, on a des pizzas? Mais oui, des pizzas, bonne idée. Ah oui, c'est vrai que les matchs des Bleus commencent bientôt. Et j'ai vu que chez Carrefour, ils avaient tout prévu. Jusqu'au 20 juin, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour, sur la pizza Sodebo. Ah bah je vois qu'entre supporters, on se soutient. Eh ouais. Jusqu'au 20 juin dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme sur la pizza Sodebo. 470 grammes, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Captur dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu, à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voire Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, t'es chez Lidl? Oui, et ils remettent le paquet, hein. Dès demain, pour tous les supporters de foot, le paquet de 200 grammes de chips aromatisés est à 99 centimes. Quoi? Même pas 1 euro le paquet de chips aromatisés? 99 centimes, patron. Et il y a plein de goûts francs, hein. Herbe de Provence, jambon fromage, moutarde de Dijon et Roquefort. Ah, ils vont faire un carton. Pour toi, le carton, il est rouge, ouais. On est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,95 euros le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tiens, tu peux venir s'il te plaît? Il faut décharger les 6 sacs de ciment. Simon? C'est qui Simon? Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr. Que faites-vous demain entre 10h et midi? Vous serez très certainement au grand studio de RTL avec les Grosses Têtes et Laurent Ruquier dans le public pour les applaudir et rire lors du prochain enregistrement de l'émission. À demain 10h. J'ai oublié évidemment d'ajouter une nouvelle somme d'argent dans la nouvelle valise, puisqu'elle a été gagnée tout à l'heure, notre valise RTL. Christophe Willem, c'est vous qui l'avez fait gagner cette valise, donc vous choisissez une somme autour de 1000 euros, un peu plus, un peu moins. C'est à vous de définir le nouveau montant de la valise. Christophe, on était à 1063. Peu importe, Ariel. On peut, non mais comme j'ai marqué sur mes petits papiers, je veux être précise. 1063, alors je vais dire 1080. 1080, c'est très bien, je prends 1080 euros, mais attention, ça ne suffira pas. Évidemment, d'ici à demain, un animateur, un journaliste, quelqu'un sur l'antenne de RTL, je ne vous dis pas qui, ce serait trop facile. Ah, ce sera pas moi. Ajoutera forcément quelque chose dans la valise en plus de ces 1080 euros. Une question maintenant pour Yannick Lécuyer qui habite Mouriez, dans le Pas-de-Calais. Les chiens Bobby, Youpi, Pipo, l'oursin Boum, l'ourson, pardon, l'oursin. Parce que je me disais, ils sont dans quel environnement quand même. L'ourson Boum et la panthère Pitou. Dans quelles aventures les retrouve-t-on? Quoi? C'est pas les aventures de Caroline. Caroline et ses amis. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est dingue quand même. Alors. Je vais te rassurer, Christophe. Toutes les réponses en in, il les trouve. Messaline, oui. Caroline. Oui. Eh oui. Caroline et ses amis, c'est un dessin, évidemment, que vous avez tous vu, tous lu, enfant. Non. Vous savez, elle a des couettes, Caroline. Oui, vous connaissez Caroline Diamant, non? Ah oui, elle est blonde avec une frange et des couettes. Et oui. Une salopette rouge, si ma mémoire est bonne. Une salopette rouge. Et elle avait un petit fichu. Un petit fichu. Non, ça, c'est Bécassine. Non, pas du tout. Méfiez-vous. C'est une coiffe qu'elle avait. La coiffe bretonne. Et alors, Caroline et ses amis sont justement les chiens Bobby, Youpi, Pipo. Et alors, évidemment, pourquoi on vous en parle? C'est parce qu'un journaliste du Parisien s'est amusé à rechercher d'où venait la fameuse expression employée par Jean-Luc Mélenchon ce week-end, qui a parlé à propos du gouvernement de plouf et chocolat. Il a dit c'est plouf et chocolat qui gouvernent le pays. Alors, évidemment, les journalistes ont dit mais d'où ça sort, ça? Plouf et chocolat. Et alors, je crois qu'il a en fait mélangé... Oui, il s'est gouré. Voilà, il s'est gouré. Non, il a Mélenchon. Il a Mélenchon, oui. C'est le cas de le dire. Foutite et chocolat. Et plouf et Noirot, parce que Plouf et Noirot sont les chats de Caroline, vous voyez. En tout cas, contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas Karl Marx et Voltaire qu'il a lu dans sa jeunesse. Non mais c'est fou. C'est Plouf et Chocolat. Plouf et Chocolat. Caroline et ses amis, vous l'avez lu, Caroline ? Je les ai lus, mais je me rappelais absolument pas qu'elles avaient des animaux, dis donc. Yeti, Yetu, La lettre de l'ogre, Boum est amoureux, oui. Princesse Caroline, Le grand Caroline Circus. Oui. On a volé les confitures, je me souviens de celui-là. Volé les confitures. Oh, ça doit être une histoire passionnante. Caroline est en colère, oui. Si c'était bien. Le sapin de Noël, Pouf des bois, oui. 8 rois pour une reine. Pouf des bois, c'est sa période de... où elle racolait. Pouf des bois, 10 GP. Oui. Une soirée chez les fantômes. On a perdu le stérilet de Caroline. Pitou, reine des îles. Bien sûr. Pitou, c'est la panthère, Pitou, reine des îles. Panique dans le troupeau. Non, vous avez rajouté peau. Ouais. C'est panique dans le trou. Non, je vous jure, il y a un album qui s'appelle Panique dans le troupeau. Oui. Ça a été inventé, ce livre pour enfants, par Pierre Probst. Vous avez lu quoi, vous, quand vous étiez enfant, cher Ariel Dombal ? Moi, la Bible. Je lisais Ermelinda. Quoi ? La bruja, Ermelinda la bruja. Ouais, c'est mexicain. Ermelinda. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup les comic strips, mais mexicains. Ah oui, Ermelinda. Ermelinda, es una brujita. Sí, completamente. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, me too. A mí me gusta mucho. Non, mais, maintenant, on fait une émission en trois langues, c'est ça. Elle mexique, moi aussi. Hein. Ouais. Moi, je suis complètement mexicain. Hein. Et quoi d'autre, Ariel ? Vous voulez dire... Quand vous êtes arrivée... J'ai adoré Babar. Babar arrivait jusqu'au Mexique. Avec sa grosse trompe. Oui. Trompe. Il s'appelait comment, Babar ? Il a dit avec sa grosse trompe. Mais vous voyez, c'est ça. C'est vrai qu'il avait une grosse trompe. Ah ben non. Attends, si vous voulez que je vous fasse Babar ? Non. Je vais vous faire Babar. Ah oui, alors retire les poches, bien sûr. Attends, je vous fais d'abord les oreilles. Mais il le fait, ce malade. Oui, là, on est allé vraiment trop loin. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil ? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles ? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, ben, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, pour tout achat de pneus, Peugeot vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Stéphane, sociétaire massif. Claire et moi, on vient d'acheter notre appartement. Et comme d'habitude, on en veut toujours plus. Avec la Massif, on a le pouvoir de choisir l'assurance de notre prêt immobilier. Elle nous a fait économiser 10 000 euros et on a souscrit en ligne facilement. Du coup, on a pu s'offrir une salle de bain avec une douche à l'italienne. Massif, essentiel pour moi. Calculez vos économies dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Sous conditions et selon profil de l'emprunteur, contrat assuré par Massif Mutualité, mutuelle du livre 2 du Code de la Mutualité. Carrefour Market. Je reviens un week-end à la campagne, c'était super. Mais le chant du coq tous les matins à 5h, oh là. Vous préférez qu'il chante dans votre assiette, Michel ? Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% de remise immédiate sur les cuisses et filets de poulet Maître Coq Origine France. Oh, j'aime mieux ce que vous me chantez là. Et c'est aussi valable sur toute une sélection de produits de marque. Cocorico ! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. La barquette de 980 grammes, blanc ou jaune, magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah, mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innover autrement. Sur RTL, jusqu'à 18h, on est avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Et puis une nouvelle grosse tête est apparue depuis hier, le chanteur Christophe Willem. Il y a également Philippe Gueluc, Ariel Dombal, Christophe Dechavanne, Jean-Jacques Perroni et Caroline Diamant. Une question maintenant pour Monsieur Michel Jacquot, qui habite Chasse ou Chassé dans le Maine-et-Loire. Et je vais vous demander le nom de quelqu'un qui est né aux États-Unis, à New York précisément, qu'on va avoir au téléphone dans un instant, qui fut la première Miss Météo de Canal+, et qui consacre un livre entier aux photographies de son papa. De qui s'agit-il ? Alexandra Cazan. Alexandra Cazan, bonne réponse de Caroline Diamant. Bonjour Alexandra Cazan. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous. J'avais oublié que vous aviez été la première Miss Météo de la chaîne. Oui, Miss, oui, mais je crois que Christophe Dechavanne m'avait dansé. C'était un homme météo, il me semble bien. C'est pas impossible, et le premier qu'il a fait, c'était Alain Chabat. Ah bah voilà, donc bon, Miss, c'était moi, effectivement. Ouais. Lionel Cazan, raconté par sa fille, je peux même le dire en américain ou en anglais. In the world of his daughter, Alexandra Cazan. On dit daughter. In the world of her daughter. Non, non, toujours, non. Pas. Toujours pas. Comment on doit dire? Mais vous parlez si bien français, Laurent. Ouais. Pourquoi vous acharnez sur les langues étrangères? Pourquoi un G, un H et un T, on ne doit pas dire docteur? Non, dis donc. Bah c'est comme d'autres. Nous. Vous le dites à la manière de Pontoise, vous. Là. Vous le dites comme des droits d'auteur et ça va marcher, Laurent. Alors vous êtes le docteur de Lionel. Lionel Cazan, Alexandra. C'est ce qu'on appelle un livre de collection. Hein. C'est chez Lien Art. Je prononce bien le nom de l'éditeur ? Ce sont les éditions Liénard. Ah, Liénard, voilà. Je faisais exprès de séparer le lien et l'art, mais vous voyez, Liénard, il fallait pas le faire. Il arrive pas à le dire. Il y a de magnifiques photos, en tout cas, dans ce livre. Alors, évidemment, des artistes qu'on connaît et dont les photos seront forcément appréciées de ceux qui feront l'acquisition de ce magnifique ouvrage. Je pense, par exemple, à Simone Signoret et Yves Montand. Moi, j'avais pas souvent vu cette photo de Signoret et Montand. Oui, c'était une couverture de elle, à l'époque, et pour la petite histoire, ils étaient en train de disputer comme des chiffonniers juste avant la prise de vue. Le papa a essayé de les faire rigoler, ils se connaissaient. Et donc, il a réussi à obtenir ce cliché où tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais en réalité, juste avant, ils étaient en train de se crêper le chignon. Ah ben ça se voilà. Voit pas, effectivement, sur non, la photo. Ben entre 1953 et 1965, votre oui, papa... il a fait sa première couverture pour le magazine Elle, il avait 23 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces photos, je ne les connaissais pas. Et il a fallu qu'il tombe malade pour que je découvre ces trésors que j'ai voulu remettre en lumière. Il y a des photos de Romain Gary, des photos de Jean Seberg magnifiques, des photos de Catherine Deneuve, qui est quand même juste la femme la plus photographiée au monde, mais des photos qu'on connaît finalement assez peu. Donc voilà, j'ai voulu redonner une vie à ces photos. Même des photos, je dois dire, étonnantes de Fernandelle. Parce que là, on se dit, tiens, c'est pas le genre de livre dans lequel on va trouver une photo de Fernandelle. Bah si. Je cherche Ariel Dombal, mais non, je ne la vois pas hein, dans le. Bon, mais elle est pas du tout de cette génération, Laurent. Bravo, Laurent. Laurent, il y a peu de photos je sais pas comment je dois le prendre, on a retrouvé peu de photos de Fernandelle avec Ariel Dombal. Voilà. Il semblerait qu'il y ait une photo avec Fernand Reynaud, mais on sait pas où elle est. Un sacré flatteur. Non, il y avait un très joli cliché avec Rému, mais qu'on ne divulgue pas. Et on a une photo où elle tient Marie Pickford sur les genoux. Mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ariel. Et cette balade dans Paris avec Arletty était divine. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'Ariel, évidemment, a une taille mannequin et qu'elle aurait pu figurer, évidemment. Oh, bah moi aussi, excusez-moi, s'il y a Fernandelle, j'aurais pu figurer aussi. Visiblement, c'est pas les critères. Laurent, mais vous y êtes, là, la vache et le prisonnier, je vois. Laurent, Ariel pourrait juste être un marque-page dans ce livre. Oh, elle mériterait d'y être. Voilà ce que j'ai voulu dire. Papa aurait été ravi de la photographier. Lionel Cazan, photographe, raconté par sa fille. C'est aux éditions Liénard et je glisse, attention, hein, je glisse,

comme toujours, est de meilleure humeur et Paris en profite. Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, a prononcé un discours très pragmatique hier soir après la clôture de Wall Street, tout en étant optimiste sur les perspectives économiques des États-Unis. Elle n'a pas pour autant donné de calendrier pour la prochaine hausse des taux d'intérêt et les investisseurs anticipent donc qu'il ne se passera rien à court terme et ils adorent ça. Du côté du marché d'échange, le dollar est donc faible, l'euro se traite à 1,1351 ce soir et ça a poussé le baril de pétrole à la hausse, 50,90 $, carrément 51 presque. C'est une bonne tenue des cours du brut qui soutient donc aussi le marché parisien avec notamment Total, première capitalisation de la Bourse de Paris, qui gagne encore 2,5% aujourd'hui. Vallourec profite de cette tendance pour rebondir de 9%. Enfin, les boursiers ont également apprécié la révision à la hausse de la croissance dans la zone euro au premier trimestre et ça profite aux valeurs automobiles et de luxe. FFP, le holding de Peugeot, gagne 3,3%. Kering, recommandé à l'achat, progresse de 3%, tout comme Hermès et Faurecia également. Très bonne soirée Virginie, à demain. À demain et sans orage Sylvie. On descend dans le grand studio de RTL pour retrouver les grosses têtes. Une citation pour Ghislaine Zivanovic, qui habite Éloi, dans le territoire de Belfort. Quoi. Oui, Zivanovic est là. Qui a dit « J'aimerais être réincarné en écrevisse pour qu'on me suce la queue ». Ça, c'est connu. Christophe de Chavannes. Est-ce que vous savez pourquoi les castors ont la queue plate, non, en vrai non. À force de se faire sucer par les canards. Oui. Alors, ça pourrait être Frédéric Dard. Ce n'est pas Frédéric Dard. Est-ce que c'est un homme qui est connu pour son côté un peu salace dans ses propos ? Oui, en tout cas, pour ses excès, on va dire. Depardieu. Depardieu, non. Gainsbourg, c'est un tout petit peu vulgaire quand même. Serge Gainsbourg, non ? Serge Gainsbourg, non. C'est français ? Alors, ce n'est pas français. Ah, voilà. On peut répéter ? Alors, c'est un humoriste américain ? J'aimerais être réincarné en écrevisse pour qu'on me suce la queue. Dites-le en anglais. Charles Bukowski. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Parole d'ivrogne. C'est un peu ça. Je l'ai. Laurent, je l'ai relu hier soir. J'ai relu tout Bukowski. Tout Charles. Tu imites qui, là, Philippe ? Je sais pas. C'est venu comme ça. il essaie de se moquer de vous, Ariel. Ah bon, oui. Non, mais je me disais, l'écrevisse, on suce pas nécessairement sa queue. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais je pense qu'elle a raison. C'est... On la décortique. Même. Voilà, on décortique. Une autre citation pour Françoise Boutet, qui habite Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, qui a dit « Un petit monégasque ». On n'adopte jamais de petits monégasques, c'est injuste. Ah, Jean-Yann. Jean-Yann, non. Mais c'est la même famille, non ? Un peu la même famille. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Francis Blanche, on l'a dit. Francis Blanche, non, mais qui a beaucoup travaillé avec Pierre Francis Dac. Pierre Dac. C'est Sima. Peut-être une femme. Non, c'est un homme. Le prince Régnier. Il a beaucoup travaillé avec Jean-Yann. Je me souviens des sketchs du prince Régnier. Elle a raison, il dormait tête bêche. Le prince Régnier peut pas avoir dit un petit monégasque qu'on n'adopte jamais de petit monégasque. Surtout qu'il reconnaît pas les siens déjà. Gérard Cyr, non. C'est pas Léo Ferré. Léo Ferré. Qui lui était monégasque. Robert Beauvais, non. Ce monsieur est-il décédé ? Ah oui. Il nous a quittés, hélas, trop tôt dans les années 90. Il avait 65 ans. Il était aux grosses têtes ? Alors je crois qu'au tout début des grosses têtes, il a un peu participé. Oh. Je vous parle de ça à la fin des années 70, début des années 80. Acteur, oui. Acteur, auteur. Auteur aussi. Mais surtout acteur. Acteur et grand auteur. Francis Blanche. Dramaturge. Non, je l'ai dit. Dramaturge. Il a beaucoup travaillé. C'est pas Robert Lamoureux. Robert Lamoureux, non. Dramaturge. Mais on se rapproche. Il est mort plus récemment, mais on n'est pas loin. Robert Derry. Non. Ce n'est pas Jacques Chazot. Jacques Chazot, non, il n'a pas écrit Jacques Chazot. C'est pas un Robert, forcément. Ce n'est pas un Robert. Il a été dramaturge, il a bossé avec Jean-Yann. Ouais. Ah oui, beaucoup. Beaucoup avec Jean-Yann. Beaucoup. Mais carrément dans ses films. Ah, alors, dans certains de ses films, mais surtout à la télévision. Ah, mais oui, bien sûr, il portait des lunettes, il avait des cheveux bouclés. Ah non. Et il s'appelait Darry Cole. Ah, pas Pierre du tout. Bonte. Pierre Bonte. Pierre Bonte, c'est avec Jacques Martin qui l'a travaillé. Et Pierre Bonte, il vit toujours. En plus. On l'embrasse. Est-ce qu'il était... Il est mort. Quand est-ce qu'il est mort, ce homme-là ? Il est décédé, il est parti en 92. En duo avec quelqu'un ? Ah, au début, il était en duo avec quelqu'un. Jean oui. Poiret. Et c'est Jean Poiret. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Je l'adore. Enfin, je l'adorais. Il est connu, Jean Poiret, vous, Ariel Dombal ?

Ne vous laissez pas faire. Invité mystère, est-ce que vous êtes une femme ? Non. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire ? Non. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Oui. Avez-vous un ou des enfants ? 5 enfants, je crois. C'est ça. Waouh ! Combien de mères ? 6 ? 3. 3 mères. 3 mamans, 5 enfants. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Non. Sinon, vous êtes content d'être là ? Parce que si vous voulez, dans le ton de votre voix, on ne le ressent pas, vraiment. Sa voix est déformée, vous voyez. Oui, mais enfin, l'autre, il pourrait être, je sais pas... Mais parce qu'il se méfie de vous. Vous avez été reconnu en arrivant dans la rue ? Oui. On vous reconnaît partout où vous passez. Ah, vous êtes quelqu'un de très joyeux dans la vie, et pour nous mettre sur une fausse piste, vous prenez un ton particulièrement sinistre. Est-ce que vous êtes barbu ? Un petit peu. Mm-hmm. C'est genre une barbe de 3 jours ou une vraie barbe ? Moyenne barbe. Une petite barbichette. Ah, un bouc, un très joli bouc roux. Excusez l'air. Ça peut arriver qu'il change de couleur. Est-ce que vous travaillez dans la chanson ? Non. Voici un premier indice. Christophe Willem me dit, mais c'est Shakira. Oui, c'est Shakira, l'indice, mais ce n'est pas Shakira qui est dans la loge. Vous voyez, elle n'est pas encore arrivée jusqu'à nous, Shakira. Est-ce que vous êtes des îles ? Non. Qu'est-ce que vous appelez des îles, monsieur ? Je sais pas, les îles, les Antilles, par exemple. Non. Vous êtes blanc. Est-ce que vous êtes blanc. Êtes-vous blanc ? Non, il n'est pas blanc. Vous n'êtes pas blanc. Ah, vous n'êtes pas blanc. Est-ce que vous aimez le petit salé aux Antilles ? Vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas noir. Est-ce que vous travaillez dans le sport ? Oui. Voici un deuxième indice. Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins. À l'occasion d'écouter Marie Laforêt, ça fait toujours plaisir. Philippe Gueluc propose un footballeur. Oui, je connais pas les noms alors. On est d'accord. C'est... Christophe de Chavannes propose aussi un footballeur. Alors ça nous fait 2 footballeurs, ça. Mais bon, êtes-vous footballeur ? Ex-footballeur. Oh, il y a pas longtemps, vous jouiez encore. Hein, tout de même. Vous êtes tout jeune retraité. Bravo, Philippe Gueluc. Vous avez identifié le nom du footballeur. Et vous aussi, Christophe Willem. Eh, les gars. Nous avons 2 footballeurs, déjà. Bonjour, Eric Cantona, ça va bien? 3 même. Oui. Ariel Dombal aussi. Oui, vous avez été particulièrement héroïque. Répondez par oui ou par non. Caroline Diamant aussi. Oh, dis donc, c'est incroyable. Ça va un peu vite là. Alors, seul Christophe de Chavannes et Jean-Jacques Perroni n'ont pas encore le nom. Je vous propose un autre indice pour vous. À Marseille. Et le vieux port qui semblait lancer les deux bras vers la mer. Est-ce qu'il se souvient que déjà je chantais pour lui plaire ? Je ne l'ai pas aimé tous les jours. Marseille, Liverpool, on a déjà 2 clubs de foot. Et Christophe de Chavannes me propose Auxerre. Mais vous faites bien de me proposer Auxerre. Ben oui, je sais. Parce que vous connaissez aussi très bien Auxerre, n'est-ce pas, invité mystère ? Oui, c'est la raison pour laquelle je le dis, mais j'ai un trou de nom. J'ai aussi un générique d'émission télé à vous donner, si vous voulez. Oh ben non, c'est pas facile. Bon. Vous jouiez mieux au football que vous dansiez, invité mystère, n'est-ce pas ? Oui, mais j'étais pas 100% de mes capacités. Ah, vous n'étiez pas 100% de vos capacités. J'espère que vous allez l'être quand vous allez nous rejoindre, car mes camarades grosses têtes vont tout de suite donner votre nom, à part de Chavannes et Perroni. Ouais, enfin, j'ai dit Auxerre. Hein. Ah bah oui, j'aurais pu dire autre chose. Même Ariel Dombal et Caroline Diamant. Mais oui, parce qu'il est très connu, il a vraiment brillé sur les terrains. Même moi, j'ai trouvé. Honnêtement, s'il y en avait un à trouver, c'était lui. Même Christophe Willem et Philippe Gueluc. Alors attention, notre invité mystère, c'est... Djibril Cissé, évidemment. Les grosses têtes sur RTL. Salut, moi c'est Lucas Plat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'y dis. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Le Capla, tu me regonfles. Quelle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam, oui. À 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Petit message, Peugeot, en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là ? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte, sur toute la gamme ? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%. Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence ? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant ? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. L'invité mystère vient tout juste de s'installer sur le banc des grosses têtes. Juste le temps de vous donner les invités de RTL Soir que vous allez retrouver à 18h en compagnie de Marc-Olivier Fogiel, Bernard Spitz, le président de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, et puis autre invité de RTL Soir, Jérôme Kerviel, en compagnie de son avocat David Koubi. Et l'invité des grosses têtes de Laurent Ruquier, eh bien le voici. Djibril Cissé était bien notre invité mystère. Et il sera présent à Aix-en-Provence pour le festival Les Livres des Stars. Je crois que c'est la deuxième édition de ce festival, spécialisé évidemment ce festival dans l'autobiographie, puisque ce sont souvent des personnalités qui se racontent à Aix-en-Provence. Évidemment, Christophe Lambert, qui je crois était déjà là l'an dernier, sera sur place. Vous aurez Michel Drucker, William Lemergier, Enrico Macias, Eric Nolot. D'ailleurs, c'est avec Eric Nolot que vous allez faire une participation à ce festival. Oui. Djibril Cissé, qu'est-ce que vous faites avec Eric Nolot ? J'ai pas la chance de le connaître encore, mais on fera connaissance. Mais c'est un amateur de football, en tout cas. Il s'y connaît, il aime beaucoup le foot. Tout comme Ariel Dombal, d'ailleurs, qui, je dois dire, m'a beaucoup surpris, Ariel. Non, mais il y a comme Il n'y aurait pas eu embrouille à Pipoland, n'est pas triché, Ariel. Non, mais il y a comme ça quand même certains athlètes qui dépassent un peu les autres. Et voilà, Djibril s'en fait partie. La menteuse. Djibril. Et alors, c'est vrai que vous changez de couleur, de cheveux ou de barbe régulièrement. Là, par exemple, la barbe est brune, mais les cheveux sont blonds. Ouais. Vous n'avez pas assez de teinture, comment ça se passe ? Oh, les questions ! Non, mais c'est assez élégant. Merci. Vous aimez ça, vous ? Oui. Mais regardez sur la couverture, il est fantastique. Ah, vous le trouvez beau ? Non, mais regardez l'autre côté aussi. Ah, là, il est dodo. Oui. Ah, oui. Là, il est dodo. Ah, oui. Vraiment un vrai athlète. Il y a de la lecture pour le soir, oui. Ariel. Cette baisse. C'est vrai que j'ai quelques tatouages, mais. Ah, quand même, quelques. Vous beaucoup. Avez quelques peu de parties non tatouées, visiblement. Ouais. En tout cas. Enfin, d'ailleurs. Personne ne s'ennuie, il y a de la lecture. Tu te rends compte de ce qu'on pourrait écrire sur toi, Caroline ? Mais non. Je veux dire, tout ce qu'on pourrait écrire si un jour on écrit ta biographie. Si on écrit sur elle, c'est le mur des lamentations. Si c'est Monsieur Cissé qui écrit, écoutez, je serais ravi. Si c'est Monsieur Cissé, c'est joli. Ça aurait pu être un titre de livre, ça. Si c'est Monsieur Cissé. Oui. 90 buts à Auxerre, 24 buts à Liverpool, 37 à Marseille. On oublie souvent quand même les 55 buts en Grèce au Panathinaikos. Dans le même match. Non. J'en aurais entendu parler. Ouais. Et puis quand même, je tiens à le rappeler, 9 buts en équipe de France. Moi, j'avais oublié qu'il y en avait eu 9 en équipe de France chez les Bleus. N'avait pas été très chanceux en équipe de France, faut le dire. Non, blessure, suspension. Il faut quand même rappeler aussi que vous étiez présent, ça, pas de chance, en 2010 en Afrique du Sud. Dans le bus. Vous étiez dans le fameux bus, c'est un mauvais souvenir. Ouais, pas fier du tout. Mais dites-nous la vérité alors. L'entraîneur, c'était Martinez, non? Non, ça... mais non, c'était pas Monsieur Martinez, c'était Raymond Domenech à l'époque. À l'époque. C'était Raymond Domenech. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même, faut le dire, il y a l'air d'y avoir une super ambiance. Même Patrice Evra, d'ailleurs, qu'on a longtemps montré du doigt à l'époque pour cette fameuse grève, parce que c'était le capitaine à l'époque de 2010. Patrice Evra dit, je n'ai jamais connu cette ambiance au sein de l'équipe de France actuellement. Vous y croyez? Oui, j'y crois, parce que il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes avec un bon esprit et oui, je le crois. Ouais. Vous allez commenter ou pas les matchs de foot? Oui, consultant pour iTélé. Pour iTélé. Ah bah oui. Très bien. Alors on pourra effectivement entendre vos commentaires lors des débats après match, j'imagine. Oui, avant, mi-temps et fin de match. Oui, tout le temps, toute la journée de toute façon, on va y avoir le droit. Mais tant mieux, moi j'aime ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je plains ceux qui ne vont pas évidemment pouvoir supporter le football à partir à partir de vendredi prochain, hein, ça commence vendredi 10 par le match France-Roumanie au Stade de France. Vous serez au Stade de France? Non, je suis en studio. Ah, vous serez en studio, puis après vous allez partir à Aix-en-Provence évidemment. C'est ça. Pour le fameux festival. Je voulais vous poser une autre question, mais elle m'échappe. Ça fait rien. Ariel a une question à vous poser. Non, mais il y a des révélations. Vous avez décidé de faire cette autobiographie. Oui. Est-ce que donc c'est un éclairage sur le milieu du football? Non. Non. C'était plus une façon de remercier, de dire vraiment un grand merci aux gens qui m'ont aidé, qui m'ont dirigé vers la bonne direction dans ma carrière. Ça, c'est vrai. Moi qui ai lu le livre, je peux vous dire que c'est vrai que vous rendez évidemment un petit hommage, un clin d'œil à tous ceux qui vous ont mis sur la bonne voie et votre maman pendant ce parcours de footballeur. Ce qui est amusant aussi, il faut le rappeler, c'est quand même parce que vous êtes une égérie de la mode du Brice. Vous n'êtes pas seulement footballeur, vous êtes aussi celui que les jeunes regardent et suivent. Parce que justement, il a des coiffures différentes, parce que il a des vêtements du style. Très africanisé aujourd'hui. Mais c'est un mix entre l'Afrique et le Japon. Mais votre marque, c'est toujours Monsieur Lenoir. Toujours. Oui. Et vous pouvez expliquer, rappeler pourquoi ça s'appelle Monsieur Lenoir? Oui, parce que dans les quartiers, il y a toujours ces clans, les Chinois, les Arabes, les Noirs, et entre nous, on s'appelle le Shintok, l'Arabe, et nous, c'était les Noirs. Mais voilà, un jour j'ai dit à un pote, ok, le noir si tu veux, mais pour toi c'est monsieur, donc tu m'appelleras monsieur le noir à partir de moi. Et c'est devenu votre marque. Voilà. Djibril Cissé, les 10, 11 et 12 juin, en tout cas je ne sais pas s'il reste les 3 jours, mais le festival dure pendant 3 jours, des livres et des stars à Aix-en-Provence, et le livre est toujours en librairie, un lion ne meurt jamais. Ariel, vous repartez avec Djibril? Un footballeur qui a autant de style, eh bien, ça se salue. Merci. Oh, bah écoutez, voilà, c'est fait. Djibril Cissé, un lion ne meurt jamais, c'est chez Talent Sport et ce week-end à Aix-en-Provence. Merci, Djibril Cissé. Avec les téléphones et smartphones d'Oro, échangez avec vos proches, partagez vos photos et trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Oro sur doro.fr. RTL, toujours avec vous. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. Donc RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'info et à la une. Le baroud d'honneur de la CGT, malgré l'accord trouvé dans la nuit, et même s'il n'y a plus de raison de faire grève pour le patron de la SNCF, la CGT a du mal à entériner la fin du conflit. Alors d'un côté, la grève est reconduite demain, mais de l'autre, la centrale ne donne pas de consignes. Concrètement, donc, certains cheminots reprendront le travail et les trains circuleront mieux. Alors dans RTL Soir, on va vous décrypter ce qui ressemble malgré tout à un retour à la normale. Des postures dont on débattra dans Refait le Monde. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Une première victoire judiciaire pour Jérôme Kerviel face à la Société Générale. La banque est condamnée au prud'homme pour licenciement sans cause réelle. Elle va devoir verser 450 000 euros à son ancien trader. Et à 18h35, Jérôme Kerviel et son avocat Maître Koubi ont réservé à RTL Soir leur première réaction. Cette première victoire donc au prud'homme fait-elle vraiment le poids face à la lourde condamnation correctionnelle? 500 euros en moyenne par foyer touché par les inondations. Précision de Manuel Valls concernant le fonds d'urgence qui est mis en place. Et à 18h20, le patron des assureurs, Bernard Spitz, viendra nous révéler le montant exact des dégâts provoqués par les inondations. À suivre également des petits arrangements en famille à Montpellier. Le sénateur Robert Navarro est jugé avec sa femme. Ils ont fait payer plus de 85 000 euros de billets d'avion par la Fédération socialiste. Le dernier Super Tuesday aux États-Unis, la présidentielle américaine va se résumer à une bataille de mal-aimés entre Hillary Clinton et Donald Trump. La Bourse de Paris, elle termine en nette hausse ce soir d'1,19% à 4 476 points. Les courses à Saint-Cloud, il fallait jouer le 3, le 4, le 13, le 14 et le 8. À 18h25, direction les coulisses de l'actualité, un toboggan long de 30 mètres, bar à cocktail avec des robots pour serveurs. On vous amène ce soir en coulisses du premier voyage de l'Harmony of the Seas, le géant des mers. 18h30, Alain Duhamel ce soir. L'euro aura-t-il un impact politique? 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, donc, on refera le monde. Bonsoir, Louis Baudin. Bonsoir, Marc-Olivier. Demain, de la chaleur et du soleil. Mais attention, des orages encore ce soir, notamment dans l'Est. Exactement, des orages violents au nord de la Seine ou encore dans le nord-est. Des orages que l'on retrouvera encore demain, toujours principalement du Nord-Pas-de-Calais à l'Alsace, en passant par la Lorraine, descendant vers la Bourgogne. Et en cours d'après-midi, demain, ces orages les plus violents sont attendus entre le Massif central, la Bourgogne, toutes les régions du nord-est, la région Rhône-Alpes et les Alpes. Ce qui veut dire quand même que dans les autres régions de l'Île-de-France jusqu'aux côtes de la Manche, près de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée, là le temps restera plus sec et plus ensoleillé. Côté température, donc encore de la chaleur, sauf près de la Manche, 18 à 21 degrés, mais 21 à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord et jusqu'à 30 degrés dans le sud. Et tout à l'heure, donc, dans le journal de 18h, on retrouvera Franck Hanson, notre correspondant dans le nord et dans le Pas-de-Calais, où il a beaucoup plu. À tout de suite avec Franck Hanson. RTL Soir. Mais d'abord Isabelle, le dernier show de Zlatan à Paris. L'ex-attaquant du PSG doit rejoindre dès demain l'équipe de Suède à Pornichet où elle a pris ses quartiers pour l'Euro. Mais il a d'abord fait une escale dans la capitale pour présenter sa ligne de vêtements de sport. Et comme d'habitude, Zlatan a fait du Zlatan. Dans une interview au Monde, il affirme même qu'il peut rendre François Hollande populaire, Raphaël Vantard. Il fend une troupe de mannequins et salue le public comme s'il venait de marquer un but. Mais cette fois-ci, Zlatan Ibrahimovic vient surtout en homme d'affaires. Le spectacle, il l'assure pour vendre sa marque. L'ancienne star du PSG choisit une cantine de la SNCF pour être plus proche du peuple, dit-il. Comme dans le foot, pourtant, Zlatan a le sens du business, le sens de la formule et de la modestie. Ma marque de A à Z, on peut dire que c'est A pour le niveau amateur, jusqu'à Z pour le niveau Zlatan. Les supporters prennent des photos, rares sont ceux qui arrivent à poser des questions. Un fan néerlandais arrive presque à décrocher un sourire à la star suédoise en lui déclamant un poème. Puis vient la fameuse question, où Zlatan Ibrahimovic va-t-il jouer la saison prochaine? Pour une fois, l'attaquant suédois doit botter en touche. My future is... Mon avenir, c'est la marque A à Z. Si vous voulez savoir où je vais jouer plus tard, suivez la marque. Et Manchester, vous verrez, la marque arrivera à Manchester quoi qu'il arrive. Zlatan Ibrahimovic vient de quitter Paris il y a quelques secondes pour rejoindre sa sélection suédoise à Pornichet en Loire-Atlantique. Merci Raphaël Vantard. Donc on entend le bruit derrière vous dans cette cantine SNCF et justement à trois jours de l'ouverture, la grève s'éternise à la SNCF. Après trois mois de grogne, un accord